sérieux, souvent en délire en bas du bloc. Torse nu sur scène ou en club avec au moins 10 potes. Vivant dans son hip-hop et gérant sa gosse, même si son mic est un glock. Cette fois-ci le rock est tombé croque. C'est ouf comme une lady peut rendre un scarlatin dingue, lui faire poser son flingue. Elle convainc de quitter la jungle. Élégante, intelligente, exactement le genre de fille que j'aime. Elle s'appelait Marina, mais moi je la surnommais ma sirène. Quand t'es dans le bis, tu cherches un équilibre par quelconque manière. Elle a accepté ma gamine ainsi que ma carrière. Fier de Holker et mes amoureuses de Freddy. Je me disais qu'il y avait aucun risque, quoi qu'il arrive, je serais ready. Je me suis rarement investi à fond avec une lady. Impossible d'imaginer ce que le destin avait prédit. Sans que personne ne comprenne, les anges l'ont emmené. Aujourd'hui je pige toujours pas et comme un gosse j'ai pleuré. Tu vas tout gâcher si tu n'arrêtes pas. Papa t'es pas, c'est comme en dehors, je contrôle, t'inquiète pas. Il me voyait acheter des nouvelles skateboards. J'entrais de plus en plus tard et je squattais les arrêts de bus et les quais de gare. Lycée appelé le taf de ma mère, trop d'absentéisme. Le soir me casser les couilles, pire la durée d'un match de tennis. 19 balles et le quartier m'avait eu. J'ai fait de Zoulou tout en croyant que personne m'avait vu. Ils m'ont dit hey yo, va te calmer en zombie. Une putain de claque de ma famille que personne n'a compris. Plus de 20 ans que mon père se lève à 5h du mat pour taffer. J'étais le seul de tous ces gosses qui l'ont s'est bavé. Ce matin zombie dans ma cellule, j'ai pas là. Donc je pensais à mon ref ou à un pote, mais c'est pas moi. Arrivé sur place, putain, j'ai vu mon père. Et tellement honte de moi, mon frère, que j'ai pleuré. La dépression effleurée, être apeuré, erré. Le cœur serré au pied du mur, quand c'est lourd à gérer. L'escarla se cache pour pleurer. C'est prendre une balle en plein cœur et faire si le canac à peine effleuré. Un train homme, c'est pas son sexe ou ses pecs. Jusqu'à casser des têtes ou gâcher des fêtes et braquer des caisses. Mais surprends moi-même à gratter des textes. Je vous avoue que j'ai déjà claqué des fesses et chialé des pertes. Je laisse couler mes larmes de MC Scarla B-Boy. C'est dans la peine j'ai compris que mon père était mon idole. On délire, on stresse, on chiale, on rigole. Droit et debout, mais quand on déprime, ben on s'isole. Tu peux me voir intouchable, mauvais garçon. Puis craquer dans mon coin, pleurer toutes mes larmes de sang. Les larmes coulent et font de moi Freddy le rock. Le beat ou le rock, digne d'être le fils de son rep. Quelle efface.